Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la rivalité entre Québec et Montréal. Mon père est devenu nordique chez nous. Fait que c'est le seul nordique de la famille, là. Tu sais, il y a deux frères, mon père. Puis écoute, ça a été des discussions, puis du barbage, puis des parties de Noël qui... Pour vendredi saint, ça a failli se frapper chez nous. Cette rivalité sportive entre les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec, que rappelle Fernand Baudry en fier partisan du Canadien à l'émission McAllen Tribu en 2004, c'est probablement le premier exemple qui nous vient en tête quand on évoque l'histoire de la rivalité entre Québec et Montréal. Et le fameux match du Vendredi Saint dont parlait Fernand Baudry dans cet extrait incarne, lui, probablement le paroxysme de ce qu'a été à l'époque la rivalité entre les Canadiens et les défunts Nordiques. Pourtant, cette rivalité entre la métropole et la vieille capitale a des racines beaucoup plus profonde et qui nous ramène au temps d'avant même le début de la colonie. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Alors, Monsieur Beaulieu, vous êtes à Québec? Ben, dites-moi pas. Bon, là. Alors, je sais que vous le savez, mais je vous demande ça parce que je me demande si vous êtes vraiment conscient du fait que vous êtes à Québec. Je Normand, même si je suis Montréalais pur laine, là, quand Comment, même. Pas pur laine. Pur béton, vous craquez de partout. Oh. Vous avez le gros bout du bâton en ce moment parce que vous êtes dans votre patelin, là. Ça change rien. Ouais. Mais sérieusement, moi, j'aime Québec. J'aime beaucoup Québec parce que c'est l'une des plus belles villes d'Amérique. Vous n'avez pas de musique qui va avec ça, là? Non, c'est pas nécessaire. Ça, Québec, M. Normand, c'est quand même le siège du gouvernement. C'est la capitale. Surtout le siège, oui. Ouais. Enfin, là, vous... Et en disant ça, vous pensez que vous faites plaisir aux Québécois, là? Ben, entre nous, on aimerait ça, avoir ça à Montréal, nous. Faut remarquer qu'à Montréal, il y a assez de troubles comme ça, là. Oui, c'est possible. Extrait de l'émission Les Couches-Tard en déplacement à Québec, à l'occasion du carnaval d'hiver en février 1965, on y entend les animateurs Roger Beaulieu, associé à Montréal, et Jacques Normand, originaire de la région de Québec, se crêper amicalement le chignon pour nous raconter cette longue histoire de rivalité entre Québec et Montréal. Je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Petite précision, tout de suite, Harold Bérubé, pour rassurer nos auditeurs, ni vous, ni moi ne sommes originaires de Québec ou de Montréal. Absolument. C'est dit. Cette rivalité-là entre Québec et Montréal, blague à part, Harold Bérubé, ne date pas d'hier et elle déborde évidemment très, très largement de cette presque devenue légendaire rivalité entre les Nordiques et les Canadiens. De fait, Harold, elle n'est pas très unique non plus. Il y a des rivalités comme ça entre deux villes d'un même pays, d'un même État, d'une même province, un peu partout dans le monde. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des grands réseaux urbains. Il y a toute une série de rivalités comme ça interurbaines entre villes. On peut penser à des cas assez célèbres, Moscou-Saint-Pétersbourg, Édimbourg-Glasgow en Écosse. Plus près de nous, Chicago-Saint-Louis ont entretenu longtemps une grande rivalité. Puis il y a quand même des particularités en Amérique du Nord, c'est-à-dire que le réseau urbain s'est développé très rapidement au 19e et 20e siècle. Ce qui fait que les rivalités vont apparaître et disparaître très rapidement, parfois être assez violentes aussi, comme les villes grandissent très rapidement. Là, j'aime bien rappeler à mes étudiants que Chicago a été fondée après Sherbrooke et qu'elle a atteint une stature assez différente de la capitale des cantons de l'Est. Donc, ce sont des villes qui se développent vite, donc des rivalités qui se construisent également rapidement et qui sont assez intenses. Et des grandes villes qui parfois sont vulnérables. Je pense aussi à Détroit, qui a été une ville très, très importante à un moment donné dans le Midwest américain et, bon, qui a eu des hauts et des bas. On remonte un petit peu d'un bas, mais on est très, très, très, très bas à Détroit, il n'y a pas si longtemps encore. Revenons à notre bonne vieille rivalité entre Québec et Montréal. À quand remonte cette rivalité? Elle remonte assez loin. Hein. Donc, on en trouve des traces, même avant l'arrivée des Européens. Donc, différentes sources. On sait qu'il y a des communautés iroquoiennes qui sont déjà installées sur les deux sites. Cartier va les croiser. Champlain ne les retrouvera pas. Mais c'est clair que, de par sa géographie, ces deux sites-là sont déjà d'intérêt pour les populations autochtones qui sont sur le territoire. Puis, on peut dire que la rivalité Montréal-Québec, elle s'inscrit jusqu'à un certain point dans cette géographie du fleuve, à cause des obstacles à la navigation, à cause de la position donc, des deux villes. Des deux et elle existe même déjà au moment où les Iroquois sont à Stadacone et à Hochelaga, avant même donc que les Européens arrivent, les deux villes sont d'une certaine manière en rivalité. C'est incroyable, ça. Oui, ben, il faut être prudent. Les documents ne nous permettent pas de documenter ça de manière détaillée, mais on peut soupçonner. Donc, ce sont deux centres différents et donc pas nécessairement là, alliés donc, dans sur le territoire. Ouais. La première grande rivalité, vous l'avez un peu évoquée, elle est géographique, tout mm-hmm. bêtement. C'est un peu la source première, d'ailleurs, de cette rivalité qui va se développer au fil du temps entre Québec et Montréal. On écoute l'historien Jean Provencher en parler à Carole Bello à l'émission Actuelle en 1983. Cette rivalité entre Québec et Montréal, d'où ça vient? Mon Dieu, il faut quasiment remonter au tout début. Même géographiquement, hein, c'est vraiment pas la même chose. La région de Québec, c'est une région de plateaux, d'estuaires, de terres qui sont très peu propices, par exemple, à l'agriculture. Donc, il y a essentiellement eu une vie axée sur l'eau et la forêt. Alors que dans la région de Montréal, qui est une région plus méridionale, c'est quoi? Montréal et Québec, il y a 225 km entre les deux villes. Montréal est plus au sud, il y a un climat plus chaud, il y a des terres plus propres à l'agriculture. Et là même, il y a eu une vocation différente de Québec. Quand Québec était occupé à l'eau et à la forêt, Montréal était occupé à cultiver et à se donner des industries voulues. Donc, au départ, rivalité très grande en termes de vocation propre de l'une par rapport à l'autre. Comment va se traduire concrètement cette différence géographique, Harold Bérubé, dans les vocations, justement, que développeront les deux villes, Québec et Montréal? Donc, on peut dire que Québec est avantagé dès le départ, oui. Comme ville portuaire, comme ville commerciale. La navigation de Québec et Montréal, malgré ce qu'on peut peut-être penser, elle n'est pas si facile que ça à l'époque. Elle n'est pas beaucoup plus facile aujourd'hui, malgré le dragage, les différents raffinements technologiques. Donc, il est plus facile d'arrêter à Québec initialement. Donc, Québec est avantagé initialement. Elle a un port très actif, notamment dans le secteur du bois, par exemple. Il faut attendre les années 1820 pour que Montréal, qui est vraiment dans l'ombre de Québec à ce moment-là, elle ne peut pas vraiment rivaliser avec Québec. Les élites économiques montréalaises vont plus se repositionner. Elles modernisent leurs installations portuaires. Elles vont également diversifier leurs activités pour devenir un centre de service pour ce qui est le Haut-Canada à l'époque, qui est en plein développement, donc l'Ontario. Donc, on a des élites montréalaises qui sont très actives pour essayer de repositionner la ville, de diversifier son économie, et ils vont remporter leur pari, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, au milieu du 19e siècle, alors que Québec, au début du siècle, était le port principal donc pour la région. Donc, à ce moment-là, Québec n'a plus que l'équivalent à peu près d'un tiers de l'activité donc du port de Montréal à ce moment-là, qui a vraiment réussi là, à opérer une croissance spectaculaire en se positionnant comme ça, comme porte d'entrée pour toutes sortes de produits, de services destinés donc, ouais. au développement de l'Ouest. C'est vraiment clé, cette notion de porte d'entrée, oui. d'être du continent d'abord mm-hmm. à Québec, puis ensuite Montréal, toujours du continent, mais le continent qui se développe lui plus à l'Ouest aussi. Oui, c'est absolument. Ça qui est important. Mm-hmm. Donc, la porte se déplace aussi vers l'Ouest. Puis ça va continuer, évidemment, ce développement vers l'Ouest d'être mm-hmm. de la métropole importante au Canada. Ça va se continuer tout au fil du temps. Ce sera Toronto, puis oui. éventuellement l'Alberta qui prendront un petit peu le relais. Revenons à Québec. Québec, au moment, oui. à cet âge d'or, où Québec, de par sa situation géographique, est effectivement le point d'entrée au pays et point d'entrée du continent, le statut de capitale aussi qu'a mm-hmm. Québec, ça, évidemment, ça va lui permettre d'imposer sa domination sur Montréal pendant un siècle et demi, presque deux siècles. À nouveau, l'historien Jean Provencher. Il y a eu rivalité aussi parce que Québec, pendant 150 ans, était la capitale, le point d'entrée de tout navire qui venait d'étranger. Et tout voyageur qui devait subséquemment s'installer à Montréal devait d'abord passer par Québec. Et plus que ça, c'est que religieusement, par exemple, et politiquement, toutes les institutions montréalaises, au début, relevaient de celles de Québec. Mm-hmm. Y compris l'Université Laval. L'université, par exemple, qui est à Québec en ce moment, s'appelle l'Université Laval. De tout temps, elle s'est appelée l'Université Laval. Et la première université à Montréal, à part de l'Université McGill, qui, elle, est anglophone, la première université française s'appelait l'Université Laval à Montréal, c'était littéralement une succursale de Québec, de l'archevêché de Québec. Là encore, Montréal s'est battu pour avoir l'autonomie par rapport à Québec. Alors, il y aura des guerres de clochers, littéralement, entre Montréal et Québec, qui vont toucher la sphère politique. Ça, on va y revenir dans un instant. Mm-hmm. On va creuser ce filon politique un peu plus à fond. Mais commençons par l'aspect religieux oui. dont parlait Jean Provencher. C'est vraiment, littéralement, une guerre de clochers à oui. laquelle on assiste au 19e siècle entre Québec et Montréal. Oui, bien, ce sont les deux premiers diocèses, d'abord du territoire. Et il faut dire que l'Église catholique, à l'époque, donc, elle n'est pas monolithique. Elle est traversée par différents courants. Et durant les dernières décennies du 19e siècle, il y a eu un affrontement assez fort entre les ultramontains, donc les plus conservateurs des conservateurs au sein de l'Église catholique, et des modérés, hein, qui, j'irais pas jusqu'à qualifier de libéraux, mais qui sont beaucoup plus souples et prudents pour ce qui est des incursions du religieux dans le politique, notamment. Donc, cette rivalité-là s'incarne à travers deux figures aussi spectaculaires l'une que l'autre. À Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, qui est le grand champion de l'ultramontanisme, donc à l'époque, et d'autre part, Elzéar Alexandre Taschereau, donc Monseigneur Taschereau à Québec, qui lui, justement, est plutôt le chef de file des modérés donc au sein de l'Église catholique. Donc ces deux hommes-là vont incarner un peu les deux pôles d'un premier grand affrontement au sein de l'Église catholique pour ce qui est de la nature de ses rapports avec le politique. Deux visions qui s'opposent et qui, pour revenir à l'exemple, et qui se sont incarnées parfois dans des dossiers très concrets. L'Université de Montréal, qui est en fait l'Université Laval à Montréal, c'est le résultat de ça, de cet affrontement-là. Oui, absolument. Ça cristallise cet affrontement. Ça va finir à Rome, cette affaire-là. Oui, absolument. Écoutez, c'est un affrontement d'une complexité. Il y a deux ou trois livres qui traitent uniquement de l'incident. Donc, je vous donne les grandes lignes. Mais en gros, donc, on a une université catholique à Québec, une université anglo-protestante à Montréal, qui est McGill. Ignace Bourget aimerait bien avoir une université francophone à Montréal parce que ce qu'il constate, c'est que les étudiants catholiques, lorsque vient le moment d'aller à l'université, ils préfèrent de loin aller à McGill que de s'exiler à leurs yeux, donc dans la vieille capitale. Donc, Bourget aimerait bien garder ses ouailles. Ouais. Taschereau n'aime pas l'idée d'une université à Montréal contrôlée par les ultramontains parce que ça leur servirait de caisse de résonance importante. Donc, il y a un affrontement absolument byzantin qui, comme vous le dites, là, mène à toutes sortes d'arbitrages du côté de Rome. Et c'est finalement Rome là, qui doit trancher parce que la température monte de manière considérable. Et en 1876, elle va trancher, donc en faveur. Mais on propose un compromis. Et donc, on propose une succursale de l'Université Laval à Montréal pour satisfaire Bourget. Et il est intéressant de voir qu'à l'époque, Monseigneur Laflèche, qui est lui évêque de Trois-Rivières, lorsqu'il va prendre connaissance de cette solution-là, déjà là, il dit que ce n'est pas une bonne idée parce que forcément, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une situation de dépendance d'une ville par rapport à l'autre et ça va nourrir l'animosité donc, entre les deux villes. Donc, on est déjà conscient qu'on a là une source d'affrontement potentiel entre les deux villes qui risque de se prolonger dans le temps. Sur le plan plus purement politique, il y aura un autre front où vont s'affronter justement Québec et Montréal, le mouvement des Patriotes, qui va conduire aux rébellions de 1837-38. Mm-hmm. Il y a deux camps chez les Patriotes. Oui. Parlez-nous de ces deux camps-là. Qui compose ces deux camps qui s'affrontent, le camp québécois, le camp montréalais, et pourquoi cette rivalité entre Patriotes de Québec et Patriotes de Montréal? Bien, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Je m'en tiens aux grandes lignes. Mais donc, effectivement, on a donc les deux principaux pôles du réseau urbain québécois, ou en tout cas bas-canadien à l'époque. Il y a ces tensions qui montent donc tout autour de ce qui va mener aux rébellions, autour de la question du gouvernement responsable, de la démocratie coloniale. Et donc, effectivement, le Parti canadien qui devient patriote a deux pôles, si on veut. Donc, il y a d'autres députés sur le territoire québécois, mais comme c'est les deux plus grandes villes, c'est là que se trouvent les deux groupes principaux. Et donc, Papineau est associé, lui, au groupe montréalais. Mm-hmm. Et c'est fascinant de lire sa correspondance qui a été notamment étudiée par Fernand Ouellette là-dessus. Papineau va écrire des pages assez assassines sur Québec. Et donc, pour lui, et avec le recul, c'est fascinant de faire la comparaison. Québec, à l'époque, une élite anglophone très importante à cause du gouvernement colonial et de sa position économique. Donc, du point de vue de Montréal, pour Papineau, Montréal est une ville plus canadienne-française que Québec, d'une part. Et d'autre part, il trouve que que ses alliés de Québec sont des, et je le cite, là, ce sont de souples courtisans devant le gouvernement colonial. Et il les trouve un peu à plat ventriste, comme ils sont près du pouvoir et tout ça. Et au contraire, à Québec, on n'aime pas beaucoup Papineau. Et on trouve qu'il joue des coups, des rues dans les brancards. Et on va essayer de se débarrasser de lui, en fait, comme chef un peu du mouvement canadien. Donc, encore une fois, la rivalité entre les deux villes se traduit dans d'autres termes, cette fois-ci politique, donc deux clics qui sont en théorie alliés, mais au sein desquels on devine des rivalités importantes et qui passent comme ça par la caricature de l'environnement urbain d'un côté et de l'autre, là, des deux scènes politiques qui s'affrontent. La rivalité entre les deux villes va très vite, en fait, parce qu'on l'a évoqué, Québec va essayer de construire, de s'appuyer sur son statut de capitale pour conserver l'avantage sur Montréal. Mais le problème pour Québec, c'est qu'évidemment, l'économie montréalaise, assez vite, Montréal va supplanter, au milieu du 19e siècle, c'est fini, là. Oui. Québec est complètement déclassé économiquement par Montréal. Mais ça va se faire, ce jeu, cette guerre entre métropole économique et capitale, parfois de manière, avec des coûts assez bas, assez discutables. Oui. On parlait de l'avantage de Québec sur le plan portuaire au tout début. Quand le chemin de fer arrive, Montréal va jouer très, très dur pour nuire à Québec. Oui. C'est vraiment la position sur le fleuve avantage Montréal, mais c'est sa position dans le réseau ferroviaire qui va cimenter sa domination de manière écrasante. Et là, ça passe par, premièrement, le fait que les deux principales entreprises du secteur ferroviaire vont s'installer à Montréal. Et donc, le Grand Tronc en 1852 et le Canadien Pacifique en 1881. Donc, les quartiers généraux de ces entreprises-là sont à Montréal, sont contrôlés par les hommes d'affaires montréalais. Ils vont construire le réseau ferroviaire pour servir les intérêts de la ville de manière assez transparente. Et donc, il positionne Montréal au sein de ce réseau-là. Et là, effectivement, comme vous dites, pour Québec, il y a quelque chose de vraiment de drôle avec le recul, d'un peu petit lorsqu'on voit les manœuvres. Donc, il va s'agir pour les élites économiques de Montréal de retarder autant que possible le raccordement de Québec au réseau ferroviaire. Donc, qu'est-ce qu'on observe? En 53, il y a déjà une ligne de chemin de fer qui passe près de Québec, mais elle passe sur la rive sud. Il n'y a pas de pont pour connecter la ville. Donc, les élites économiques de Québec, évidemment, se démènent de manière assez énergique pour avoir leur connexion au réseau ferroviaire. Et là, les élites économiques montréalaises utilisent toutes sortes de coups bas pour faire avorter les projets, les détourner, changer le tracé, s'activer donc de toutes sortes de manières pour éviter que ça arrive. Il faut attendre 1879 pour qu'il y ait un raccordement direct au réseau ferroviaire. Donc, deuxième ville du Québec, Montréal est connectée très tôt. Québec doit composer avec le fait qu'elle n'a pas cette connexion-là. Et évidemment, ça va beaucoup handicaper son développement économique. Puis quand on dit Montréal est connecté, évidemment, on dit aussi le port de Montréal est connecté à tout ce qui c'est l'Ontario, les États-Unis. C'est ça que ça veut dire, en fait. La rivalité culturelle, c'est surtout au 20e siècle qu'elle va prendre forme. Au début du 20e siècle, il y a déjà un très, très bel exemple. Parlez-nous-en. Une guerre littéraire, deux mouvements littéraires, un à Québec, l'autre à Montréal, qui s'affrontent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est une querelle littéraire. C'est la querelle qu'on appelle entre les exotiques et les régionalistes. Et en gros, je vous résume un peu les positions. Et donc, on a les régionalistes qui sont des tenants d'une littérature canadienne-française et qui serait du terroir, qui reflèterait les réalités rurales, qui serait tournée, c'est l'idée du roman en thèse, qui sert le discours de la survivance, donc qui n'est pas très gentil pour les villes, d'ailleurs, en général. Donc, on a ce mouvement-là qui est beaucoup centré à Québec, et à l'opposé, on a le mouvement des exotiques qui, lui, est beaucoup plus enraciné du côté de Montréal. Les exotiques, eux, au contraire, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture à une sensibilité esthétique plus moderne dans la littérature, s'inspirer des courants, justement, internationaux. Donc, évidemment, comme je vous dis, il y a des exotiques à Québec, il y a des régionalistes à Montréal, mais en gros, on retrouve ces familles. Mais là, ces pôles-là de part et d'autre. Et c'est comme ça que la querelle va être représentée de manière assez générale. Et dans la vie intellectuelle, il y a presque le reflet parfait de ce que vous décrivez. En tout cas, dans le jeu de perception, il y aura des échanges très, très vifs aussi entre les deux intelligentsias montréalaises et québécoises. Il y a un très, très bel exemple. Toute la rhétorique de l'Action française qui va devenir l'Action nationale d'une part, et à l'autre bout du spectre, des prises de position très, très dures, par exemple, du Neva à Circé-Côté. Ce qui est fascinant, Harold Bérubé, quand on retourne dans le texte, c'est que de ces échanges-là, c'est qu'on est très, très proche de ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui de part et d'autre, là, dans les stéréotypes qui voyagent entre Québec et Montréal. Ah oui, tout à fait. Quand on étudie le milieu intellectuel de l'entre-deux-guerres, là, donc il y a des discours très sévères qui s'échangent pour décrire Montréal et Québec. Et du côté plus conservateur, nationaliste, on s'inquiète beaucoup de Montréal. Hein. On tient un discours très noir sur son côté. Elle est trop cosmopolite, elle est trop grosse, trop protestante parfois. Évidemment, on y trouve aussi un certain trait de xénophobie, etc. Et d'autre part, du côté plus progressiste, on va avoir un discours qui célèbre la modernité de Montréal, justement l'agitation, le mouvement. Et pour ce qui est de Québec, et au contraire, pour les nationalistes conservateurs, Québec, c'est le contre-modèle. C'est une ville française à l'époque. En tout cas, elle est redevenue française. Et on célèbre sa beauté, comment elle nous permet de nous remémorer de l'âge d'or colonial et tout ça. Et au contraire, on va avoir une Eva Circé-Côté, effectivement, libre penseuse, qui va écrire des lignes absolument lapidaires sur Québec. Je vous cite un petit extrait peut-être de ce qu'elle écrit au sujet de Québec. Donc, elle indique « Ville d'un autre âge, réfractaire à la vie, au plaisir, à la gaieté, et qui s'arc-boute contre le progrès, morte au monde, aux idées nouvelles, tous les soirs, elle peut, après avoir égrené son rosaire au grain de buis, s'endormir en son cercueil, rêver que quelques succubes veulent violenter sa pudeur. » Donc, on voit comment elle est vraiment sans pitié. Là. Pour elle, Québec est une ville ennuyante, dépassée, morte jusqu'à un certain point. Et encore une fois, ça nous rappelle des commentaires qu'on pourrait même entendre au coin de la rue aujourd'hui. On va boucler la boucle, on va revenir sur cette rivalité entre les Canadiens de Montréal et les défunts nordiques pour terminer cette émission. Rivalité qui va atteindre évidemment son paroxysme lors du fameux match du vendredi saint du 20 avril 1984. Et Moreau est coupé à la figure. Semble avoir été blessé gravement. Ce serait ridicule d'essayer de décrire tout ça. Là ici, c'est devenu pire qu'auparavant. C'est beaucoup plus violent. Là, Doré ici qui... s'amène sur deux combattants, essaie de... Et là, ici, Peter Stachny, qui a été chassé du match, qui est retenu par la fleur. René Lecavalier, qui se désole devant cette foire d'empoigne qui se déroule devant ses yeux le 20 avril 1984. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Roll Bérubé? Oui, donc on est sixième match entre les Canadiens et les Nordiques. Une victoire du Canadien scellerait le sort des Nordiques. Il y a un accrochage donc durant la deuxième période qui dégénère en bataille générale. On réussit à ramener le calme, mais au tout début de la troisième période, tout de suite, ça repart. Ouais. Et comme les commentateurs disent, c'est ridicule. Ce serait ridicule d'essayer d'écrire tout ça. Donc, vraiment, bataille qui n'en finit plus. Allez la voir sur YouTube. Elle est spectaculaire. Et au terme de ça, on attribue 252 minutes de punition. On expulse 10 joueurs de la patinoire. C'est vraiment une bataille spectaculaire. Et ça nous dit quoi? Cette bataille-là, mais plus largement, cette fameuse rivalité à l'époque entre les Canadiens et les Nordiques, quelle place ça occupe dans cette histoire de la rivalité entre Québec et Montréal? Donc, pour moi, c'est une manifestation spectaculaire de toutes sortes de choses qui sont sous-jacentes. C'est ce que j'ai un peu essayé de démontrer aujourd'hui avec cette rivalité-là. Elle se sédimente en toutes sortes de couches, hein, politiques, économiques, culturelles. Elle se reproduit de différentes manières. Et pour moi, bon, il y a une rivalité bien réelle entre les deux villes. Mais en plus, je pense que cette rivalité-là, elle sert un peu de raccourci. Quand on veut décrire certaines des grandes oppositions au sein de la société québécoise, tout à coup, le pôle Montréal-Québec devient une manière de refléter ça. On le voit notamment autour de toute la question autour de l'immigration, de l'intégration. Et présentement, on oppose beaucoup Montréal à Cosmopolite, habituée à l'immigration. Au contraire, Québec serait plus frileuse, qui est l'endroit où la meute se révèle et tout ça. Donc, la rivalité devient un raccourci rhétorique pour moi pour ça. Et on a un peu l'impression parfois que Montréal et Québec finissent par éclipser le reste du Québec et par devenir un peu le pôle de référence pour la société québécoise, pour toutes sortes d'affrontements. Et à ce niveau-là, j'irai peut-être avec une citation de Alfred Desrochers qui représente ça, comment pour des gens comme moi de Drummondville, par exemple, on a l'impression que Montréal et Québec prennent toute la place. Et on est en 29, il écrit à Louis Dantin, critique littéraire, qui vit aux États-Unis, et il veut rire un peu du fait que, donc lui, dans les cantons de l'Est, on ne parle que de Québec et Montréal. Et donc, il écrit à Dantin, et je le cite, « Il est stipulé tacitement que dans la province de Québec, il existe deux villes. Dans l'une vivent les nombris de l'univers, c'est Montréal. Dans l'autre, les imbéciles, c'est Québec. Le reste, c'est la campagne. » Fin de la citation, évidemment, elle n'est pas de moi. Et donc, on a un peu cette impression-là, comme Montréal et Québec, leur rivalité, comme deux pôles et tout ça, ils incarnent toutes les tensions, les contradictions de la société québécoise. Et au-delà, ben, c'est la campagne. Et je comprends que l'histoire de cette rivalité, elle n'est pas terminée. Loin de là. Écoutez, elle se poursuit, elle prend différentes formes. Harold Bérubé, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, qui a écrit d'ailleurs un chapitre sur la rivalité entre Montréal et Québec dans le livre « Je me souviens, j'imagine, emblème et lieu de mémoire de la culture québécoise ». Merci encore, Harold Bérubé. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.